as changé, dis-moi. Tu as changé, dis-moi. Une mère dit à sa fille, tu as changé, dis-moi. Tu as changé, dis-moi. Je te trouve bien triste avec ce garçon-là. Tu as changé, ma fille, l'amour ne te va pas. Je te trouve bien triste avec ce garçon-là. Tu as changé, ma fille, l'amour ne te va pas. Mais où vas-tu, ma fille, avec ce petit gars? Avec ce petit gars. Mais où vas-tu, ma fille, avec ce petit gars? Avec ce petit gars. Ne vois-tu pas, ma grande, qu'il n'est pas fait pour toi? Tu verseras des larmes avec ce garçon-là. Ne vois-tu pas, ma grande, qu'il n'est pas fait pour toi? Tu verseras des larmes avec ce garçon-là. J'en ai tant vu, ma fille, j'en ai vu avant toi. Tu me dis que tu l'aimes et je ne comprends pas. Tu es la plus jeune.